L'actualité à Nancy et ailleurs. Ce samedi 14 mai, à partir de 20h, certains musées à Nancy et dans les environs vous ouvrent leurs portes pour une soirée exceptionnelle. La Nuit européenne des musées est un événement qui saura satisfaire petits et grands et dont la programmation est disponible sur le site de la ville de Nancy. Pour nous en parler, nous recevons Madame Aquin, chargée de la programmation de la Nuit des musées pour les différents musées de la ville. Bonjour. Bonjour. La Nuit européenne des musées regroupe plusieurs structures à Nancy et dans la métropole. Quels sont les enjeux et les objectifs de cet événement ? Alors, donc la Nuit des musées, elle est inscrite depuis un moment dans les habitudes culturelles des Français et même des Européens, parce que c'est la Nuit européenne des musées, parce qu'il y a une soirée pendant laquelle tous les musées de France ouvrent leurs portes de 20h à minuit ou plus pour les plus ambitieux. Et l'idée, c'est vraiment de démocratiser et de donner une nouvelle visibilité des collections qui sont exposées dans les musées. Donc, en alliant de la danse, du théâtre, de la performance musicale, vraiment de donner un nouveau visage aux collections et aux musées, quelque chose de plus fun en fait. Plusieurs activités sont prévues pour l'occasion. Pouvez-vous nous parler du programme de demain soir au sein des différentes structures participant à l'événement ? Oui, alors moi je travaille pour les musées de la ville de Nancy. Je suis chargée de programmation événementielle et donc les musées qui seront ouverts donc pour la ville de Nancy seront le musée des Beaux-Arts qui se situe place Stanislas, le musée de l'école de Nancy, la Villa Majorelle et enfin l'église des Cordeliers, donc qui fait partie intégrante du musée Lorrain, actuellement en rénovation. Donc au musée des Beaux-Arts, donc on est sur nous la thématique du détail. On a choisi de partir de cette thématique-là pour décliner notre programmation de visite guidée, d'animation, etc. Donc par exemple au musée des Beaux-Arts, vous allez avoir l'occasion de visiter les collections dans la nuit avec une lampe. Enfin le médiateur aura une lampe pour vous guider un petit peu dans cet espace sombre et va s'attacher à des détails de tableaux. Vous pourrez également répondre aux questions d'un jeu de piste sur la thématique des Horcruxes, donc d'Harry Potter, où il va falloir retrouver ces Horcruxes sur différents tableaux. Et vous aurez également un petit atelier artistique avec en prime de la musique contemporaine proposée par les étudiants de la MAI, la Musique Académie Internationale de Nancy. Et au musée de l'école de Nancy, on est toujours sur la thématique du détail avec des petites visites guidées. Donc, ce n'est pas des gros formats, c'est des petites visites qui durent une demi-heure pour vous montrer un petit peu l'étendue de nos collections, puis vous donner un aperçu de ce qu'est le mouvement École de Nancy. Et vous allez aussi avoir pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands, des contes en musique avec une conteuse et un musicien qui ont écrit et composé des morceaux spéciaux pour le musée. Donc là, ça va vraiment être le moment enchantement de la soirée. À la Villa Majorelle, vous allez avoir aussi des petites visites avec des jeux de ressemblance et de différence entre des photos anciennes de la villa et l'actuelle villa comme elle est présentée aujourd'hui. Et pour finir, à l'église des Cordeliers, on vous proposera donc des petites visites guidées encore sur des petits détails des œuvres qu'on ne voit pas tout le temps. Et puis enfin, un atelier de calligraphie avec Maine Kafa, donc qui est calligraphe et qui va essayer de dresser des similitudes entre la calligraphie latine et la calligraphie arabe. Et est-ce que vous visez un public particulier ? Alors, on a des propositions pour tous les publics, donc que ce soit pour les familles, pour les enfants, avec des petits ateliers, des contes. Mais on vise aussi un public de non-avertis qui n'ont pas forcément mis un jour un pied dans ces musées-là. Donc, c'est vraiment leur proposer une présentation de nos collections de manière un petit peu plus amusante qu'habituellement, avec des petites visites guidées assez courtes. Et on vise aussi un public d'avertis qui connaissent bien nos musées, qui connaissent bien nos collections. Et on leur propose, cette fois-ci, de partir à la découverte de nos collections, mais avec un nouveau regard, des nouvelles propositions de visite guidées, donc des choses qu'ils n'auraient pas forcément entendues dans leur visite précédente. Pour pouvoir participer aux activités des différentes structures, je présume qu'il y a un temps imparti pour chaque visite. Combien de temps faut-il prévoir en moyenne pour les activités proposées ? Alors, c'est assez variable, mais en général, c'est des activités qui sont assez courtes. La plupart de nos visites guidées durent une trentaine de minutes maximum. Nos petits ateliers sont ce qu'on appelle des ateliers en continu. Donc, les enfants ou les familles arrivent, passent en général 15 à 20 minutes à réaliser leur production et puis peuvent partir ensuite. Et puis, pour les contes en musique ou l'atelier de calligraphie, on est aussi aux alentours d'une trentaine de minutes par activité. Évidemment, on n'est pas obligé de tout faire. Et l'idée de cette soirée, c'est vraiment de déambuler un petit peu dans les musées, librement, rien n'est sur réservation, donc vous n'avez pas à vous presser avec des horaires, etc. Vous venez et vous déambulez dans le musée en fonction de ce qui vous intéresse et vous restez le temps que vous voulez. Et enfin, en dehors de l'événement de demain soir, quels sont les futurs projets pour les musées nancéens ? Alors, beaucoup de projets. Alors, le prochain grand rendez-vous, on va dire annuel, sont les Journées européennes du patrimoine, donc qui ont lieu en septembre. Cette année, ce sera les 17 et 18 septembre, où là, on a aussi une grosse programmation des endroits qu'on n'ouvre pas habituellement au public, etc. Et puis après, l'autre temps fort aussi qui arrive très prochainement, c'est l'édition de RUN, Rencontre urbaine de Nancy, qui va, donc c'est un festival qui mêle à la fois art, sport, tout ce qui tourne autour des arts de la rue en réalité, et c'est un festival entre guillemets qui ouvre le 19 mai. Très bien, merci pour toutes les informations. Ben, je vous en prie. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.